Section 77 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 77, Les amours de Gilles, livre 3e, Gilles, par Louis Morin. Chapitre 2. Pantomime. Aventure d'amour. Oui, Gilles avait du succès. En quelques semaines, il s'était conquis un public. C'était l'homme important de la troupe, l'acteur di Primo Cartello. Il se faisait peu à peu à l'improvisation. Cornelio lui écrivait seulement des rôles plus détaillés que ceux qu'il destinait aux autres acteurs, ce qu'il faisait aussi pour Paquette. Faute d'avoir trouvé quelqu'un pour remplacer la Colombine fugitive, Cornelio était obligé de donner souvent ce rôle à Paquette. Elle le remplissait faiblement, mais cela suffisait, maintenant qu'il y avait un premier rôle d'homme pour fixer l'attention du public. Cornelio composait soigneusement ses pièces en vue de son acteur principal, et de même qu'autrefois Séraphine, Gilles aujourd'hui était toujours le pivot de la pièce. Il n'y avait pas de mal à ce que Paquette fût une colombine de second ordre, afin de ne pas départager l'attention. Cela lui convenait à cette petite, ses rôles effacés. Séraphine avait été au théâtre la femme dirigeante, celle qui mène les intrigues et qui fait de tous les personnages ses satellites. Paquette était une autre femme, la femme passive qui est le but et le prix des efforts des hommes. Entre Gilles, Pulcinelle, Arlequin et Lélio, elle était la personne désirée qui appartiendra au plus habile, au plus fort, au plus rusé ou au plus riche. Dans les pièces qu'on jouait maintenant, la donnée générale était presque toujours la même. Il y avait un père, Pantalon, et une fille ou une jeune femme, Colombine, que se disputait une troupe de prétendants ou d'amoureux, et de valets de prétendants ou d'amoureux. Et que ce fussent les uns ou les autres qui l'emportassent, Gilles, vainqueur ou vaincu, aimé ou repoussé, adroit ou maladroit, était toujours l'homme important qui tenait la scène et menait l'action. Souvent, il jouait la pantomime. C'était ses plus vifs succès. La pantomime que l'on jouait alors était un tourbillon entre Gilles, Colombine, Arlequin, Pantalon, Pulcinelle et Lélio, flanqué de Tartaglia, du docteur, de Scapin, heureusement remis, mais devenu un Scapin grêlé, et du capitaine. Les farces, les épisodes, les aventures se succédaient, avec une rapidité vertigineuse, comme dans un rêve de fou. Il fallait que la scène ne fût jamais inoccupée, que l'esprit des spectateurs n'eût pas une minute de repos. Chacun d'eux en pensait ce qui lui plaisait, comprenait ce qu'il pouvait, mettait au bas de ses scènes au dessin expressif la légende qui lui agréait. Gilles était merveilleux dans les scènes muettes, qui le supposaient aux prises avec la malice des choses. Pour ne donner qu'un exemple, lui mettait-on à la main, dans une rencontre avec Arlequin, la grande rapière qui devait lui servir à défendre sa vie? Le tremblement de son bras faisait aussitôt cliqueter la garde de fer contre la lame de son épée. Gilles, surpris par ce bruit inquiétant, sentait aussitôt fondre tout son courage et ses nerfs entrer en danse. Sa main se crispait. L'effrayant cliquetage en augmentant d'autant et la cause et l'effet s'en allaient crescendo, produits l'un par l'autre, jusqu'à ce qu'il tomba mourant de peur dans les bras de ses témoins. Il y avait au plus haut point l'observation et l'invention de détails qui sont nécessaires pour cet art si particulier de pantomime, où la folie pure s'allie parfois si étroitement à la plus vivante réalité. Et la mobilité naturelle de son visage s'était si bien accrue à l'aide de quelques exercices que, suivant Pulcinelle, il avait trouvé plus de 60 manières de remuer le nez. Bientôt, on ne parla plus que de Gilles à Venise, et les premières avances que lui fit la société lui vinrent de l'Académie macaronique des Granelleschi, des ineptes. Cette joyeuse compagnie, composée de gens du monde, avait été fondée pour défendre la vieille langue, le vieil art pur et simple des anciens maîtres et aussi la comédie nationale italienne, la Commedia dell'arte. Elle était présidée par un être bizarre que sa folie avait désigné au suffrage des sociétaires. Joseph Cecillari était un grotesque qui se prenait naïvement pour un grand écrivain. Les académiciens s'entendirent pour le rendre plus fou encore par leurs éloges et leurs ironiques protestations de respect et d'admiration. Gilles, averti de la manière dont il va se comporter vis-à-vis de l'Arci Granellone, de l'Archinier, le trouva majestueusement assis sous un dé et sur un siège en façon de trône que ses électeurs lui avaient donné pour l'authentique fauteuil du célèbre cardinal Bembo. Gilles était revêtu de son costume de théâtre. Il mit un genou en terre devant Cecillari et soudain fut pris d'un tremblement destiné à faire croire au fou que sa seule vue jetait l'émotion dans les âmes. Cecillari s'inclina avec bonté pour le relever et sans doute lui dit quelques mots obligeants. Mais Gilles ne put les entendre car les académiciens couvrirent d'applaudissements la voix de leur président. Il en était toujours ainsi. Le pauvre diable ne pouvait rien dire sans qu'on lui coupât aussitôt la parole par les bravos les plus enthousiastes. On avait aussi pour lui des attentions particulières. En été, son café lui était servi brûlant. En hiver, on ne lui offrait que des boissons glacées. Les séances débutaient toujours par la lecture de quelqu'une de ses productions. Cette lecture ne se faisait point paisiblement, mais au milieu de cris frénétiques d'admiration. Après, on causait sérieusement et on ne s'occupait pas plus du toquet que s'il n'eût point existé. Gilles fut très chaudement accueilli par l'Académie Granalesca. Il apportait l'appoint de son talent à la cause que défendait la société. À cette époque, la ville était partagée en deux camps. Goldoni et ses partisans s'efforçaient d'importer la forme nouvelle, la forme française de comédie. Et Carlo Gocci, soutenu par les Granellecci, défendait la vieille comédie italienne contre les atteintes de l'esprit nouveau. Peut-être suffirait-il du succès de la troupe Cornelio pour déterminer celui des gaugistes. Mais ce ne furent pas seulement les amis des lettres qui firent à Gilles de flatteuses avances. Un jour, comme il passait sous les procuraties, une vieille femme s'arrêta devant lui et, dépit du châle noir qui l'enveloppait tout entière, sortit une main décharnée qui tendait une lettre. Gilles prit la lettre. Elle contenait ces mots. « Venez demain, à 21h, au pont Starto, à Saint-Apollinaire. Vous verrez une gondole à la rive, par la fenêtre de laquelle passera un mouchoir blanc. » Il y alla. Comme on était encore en hiver, la nuit était tombée déjà. Une gondole se tenait à l'endroit indiqué. Un mouchoir blanc fut agité. Gilles s'approcha. Un barcarolle masqué lui tendit le bras et la petite porte du Fels s'ouvrit. Il avança la main et rencontra une main qu'il saisit et qui lui sembla toute petite et très douce. La porte s'était refermée et le léger balancement de la barque lui fit comprendre que le barcarolle avait repris sa place à la poupe et que l'on se mettait en marche. La petite main l'attirait vers les coussins du fond. Il prit le temps de la baiser avant de lui rendre sa liberté et s'assit. Il jugea qu'il fallait dire quelque chose. Il dit au hasard « Belle dame, où allons-nous ?»« Nulle part, » répondit une voix qu'il trouva jolie. « Avez-vous peur, monsieur Gilles ?»« Ah !» se disait-il en revenant chez lui après que la mystérieuse gondole l'eût déposé au pont Starto, à Saint-Apollinaire, que voici une curieuse ville et de curieuses gens. Mais il faut bien m'y habituer puisque c'est ma patrie. Une autre fois, c'était un dimanche, il y avait grande mascarade sur la place Saint-Marc. Gilles se promenait dans ses habits de théâtre. Les déguisés se croisaient par files et se saluait au passage d'une malice, une galanterie. Un domino féminin dont on ne voyait que les yeux, ses mains même étant cachées, gantées de longues en noir, lui toucha comme par hasard l'épaule de son éventail, et n'y prit pas garde et continua sa promenade. 5 minutes après, nouvelle rencontre et nouveau coup d'éventail. « Voilà, se dit Gilles, un domino bien maladroit. » Et il se mit à le suivre. Le domino traversa la petite place et dit à un barcarolle de faire approcher une gondole découverte. Gilles s'approcha pour offrir galamment l'aide de son bras, puis descendit aussi dans la barque, voyant que son aide avait été acceptée de bonne grâce. « Suivez le canal, » dit le domino. Puis, comme on passait devant la douane de mer, le domino dit tout bas à l'oreille de Gilles, « Jurez que, quoi qu'il arrive, vous ne soulèverez pas le masque qui me cachait la figure. » Et Gilles répondit sur le même ton, « Je le jure. » en étendant la main vers Santa Maria della Salute. Le « quoi qu'il arrive » lui semblait plein de douces promesses. Puis il ajouta « Allô à Murano ?»« Soit. » « Prenez une aide, » dit Gilles au barcarolle. « Nous allons à Murano. » La barque suivit le grand canal, détourna par le Rio San Felice et gagna les lagunes qui entourent l'île des morts. Un convoi s'y rendait. La gondole funèbre marchait la première et sa proue, que décorait une mort d'argent, tenant une faux et un sablier, fendait lentement le flot plus agité de la lagune, emportant le pauvre défunt qui faisait sa dernière promenade vers ce champ de repos éternel où l'on doit dormir si tranquille. Derrière, dans d'autres barques, venaient les croque-morts, tout de rouge vêtus, puis le clergé, muni de ses pieux instruments, croix d'or, encensoir et madone promenant leur suite d'anges au bout de grands bâtons d'argent, puis les pleureuses, en noir, avec de longs chapelets, puis la confrérie à laquelle le décédé appartenait, conduite par le capitaine de confrérie, puis les parents, le mouchoir aux yeux, puis les pénitents, rouges, noirs, blancs, gris, des masques sinistres avec leurs cagoules inquiétantes. C'était comme un carnaval funèbre qui allait sur l'eau. La gondole de Gilles prit la suite, par respect, et tout le long du chemin suivit le convoi. Et de loin, ce pierrot blanc et ce domino noir avaient l'air de faire partie du cortège, députés par la fête dont on entendait le bruissement là-bas en arrière. Il y avait un vent léger qui bordait les petites vagues de franges d'argent. Des compagnies de mouettes passaient, tourbillonnaient autour du cortège, effleurant l'eau de leurs grandes ailes. En face, dans l'île des morts, quelques cyprès solitaires balancés par la brise avaient l'air de faire des appels et de grands saluts. Gilles regarda sa compagne, ou du moins ce qu'il pouvait apercevoir d'elle, les yeux. Ses yeux ne paraissaient point impressionnés par les funèbres images. Il semblait ne refléter que la gaieté des choses d'alentour. Le bleu du ciel, le bleu de l'eau, les couleurs vives des costumes. L'enterrement s'arrêta. Les barques s'approchèrent l'une après l'autre du débarcadère et la foule des suivants disparut dans la petite chapelle. La gondole des amoureux passa. Gilles ôta son chapeau de feutre blanc pendant que le domino traçait dévotement le signe de la croix sur sa mystérieuse personne. Murano était devant eux maintenant, la petite île à l'aspect triste, enfumée par ses fabriques et d'où partent, pour tous les pays du monde, les claires et fragiles merveilles de la verrerie. Le vent était plus fort. Sur la lagune élargie, la gondole dansait comme un petit navire sur une mer houleuse. On ne retrouva le calme qu'en entrant dans le canal principal. Gilles donna une adresse. La barque suivit les canaux jusqu'à un escalier de pierre dont les marches baignaient dans l'eau. Gilles descendit, offrit la main à sa compagne, ouvrit une petite porte et renvoya les gondoliers jusqu'au soir en leur donnant pour voir. Gilles et le domino entrèrent. C'était un jardin couvert de treilles et entouré de murs élevés. De grandes fleurs, lisses et pavots, avaient poussé au hasard dans l'herbe menue. Au fond du clos, il y avait une petite maison solitaire d'où sortit une vieille femme, si vieille et si édentée qu'elle ressemblait aux fées de la comédie fiabesque. Gilles lui commanda une collation qu'elle apporta sous les vignes, puis elle disparut. Et ils passèrent là la journée, Gilles et le domino, la journée et la soirée. Quelle jolie chose que ces petits jardins clos des îles vénitiennes où les amoureux venaient faire retraite, seuls dans un coin de nature, tout juste assez grand pour qu'on pût l'embrasser d'un coup d'œil. Gilles n'avait point violé son serment. Il n'avait pas soulevé le masque de velours qui cachait le visage de sa compagne. Le soir, en revenant avec elle à Venise, il songeait, car sa curiosité était exaspérée, au moyen de reconnaître l'aimable femme. Il avait un indice, mais quel indice inutile, une petite mouche noire qu'elle avait à l'épaule très bas. Il ne sut jamais autre chose sur elle que ce qu'il lui avait dit, sa voix bien timbrée, sa main aristocratique, son pied si petit, pied de patricienne qui ne sort qu'en gondole et son corps délicat élevé dans les mollesses, et les recherches minutieuses de sa toilette. Sa riche robe de brocart brodée, son corselet noué de rubans noirs, ses jupons que la brodeuse avait tenus longtemps sur le métier et sa chemisette aux larges manches, légère comme un brouillard, faite de toiles précieuses, garnie d'inestimables dentelles. Gilles eut encore d'autres aventures qu'il vaut mieux taire pour ne point lui attirer la disgrâce des personnes graves. C'était dans la société de Pulcinelle et du docteur qu'il descendait quelquefois à de basses orgies. Le vieux Napolitain n'aimait autre chose au monde que le vin, les coups et les filles. Et le docteur, tout en ratiocinant contre, était le compagnon assidu de toutes ses débauches. Quelquefois, ils entraînaient Gilles, et la fête était complète. Les trois amis couraient la ville, goûtant le vin de tous les cabarets, poursuivant tous les cotillons, rossant tous les scapins des carrefours. Quelquefois, cela finissait mal, et le lendemain, au théâtre, les trois drôles avaient la mine basse, des bandeaux ou des emplâtres sur l'œil ou sur le front. Mais la comédie dell'art est une bonne fille qui cache les frédaines de ses fervents. Une légère addition au rôle motivait le pensage nécessaire et le public ne savait rien. En somme, Gilles devenait un parfait mauvais sujet et continuait ce qu'il avait si mal commencé à Florence lors de la fuite des Séraphines et poussé par le chagrin. Fin de la section 77, Luparagnès, Obi, 2023.